Et voici maintenant, ça y est, t'es propre, on peut y aller. Il se nettoie avant. Comme un chat. Toi, comme un chat, petit animal. Ouais. C'est Guillaume Moguise. Oui. Ça va les amigos, ouais. Non. Ouais. Je suis allé en Angleterre. Attends, il faudrait que tu n'as pas de casque. Le problème, c'est que là, tu as parlé sur le jingle et c'est le seul moment où mon nom est prononcé dans cette émission. Ah, pardon. Voici Guillaume Moguise. Ah, voilà, merci. Ah bah non. Nagui, ça y est, je l'ai dit. Ça va les amigos? Ouais. Oui, alors je suis allé en Angleterre ce week-end. Ah bon? Oui, figurez-vous, régler 2-3 trucs sur le Brexit. Des broutilles, maïpato, j'ai attendu mon moment. Et qu'est-ce que vous voulez? On m'appelle, on me propose telle ou telle somme de sous. Moi, je suis qui pour dire à Theresa May? Non, Theresa May, non. J'ai pas le temps de t'arranger ton Brexit à la con. Je préfère regarder les rediffusions de Froufrou sur TV Brexit. Non, il y a un moment, si t'es pas dans la générosité, regardez Nagui, il faudrait qu'il aille épanoui cet homme-là. Ah non, voilà, il est pas dans la générosité. À Inter, ça fait 5 ans qu'il met ses cafés en note de frais. Voilà, forcément, après tu... Mais quoi? Regarde. Enfin bref, soi-disant, en fait, ce qui m'a frappé en Angleterre, si vous voulez, c'est l'affabilité des gens, en fait. En particulier des commerçants. Les commerçants, ils sont adorables. Ah bah, moi, j'étais pas prêt du tout. J'étais pas prêt. Je suis sorti d'un magasin, la dame m'a juste dit « Have a lovely day ». Je me suis retourné, je dis « Je t'aime. » Vraiment, ça a pris des proportions ce truc. Là, on attend des jumeaux, Tom et Jerry. Vraiment, c'est ma dernière émission sur France Inter. Je pars vivre Brighton. Je suis engagé sur England Inter. C'est dans une émission qui s'appelle The Original Band. Oh ouais. C'est sensiblement le même concept qu'ici, sauf que le Daniel Morin local a accès à l'eau et au savon. Et là-bas, on se donne les moyens. Ils sont dans la générosité, Nagui. C'est comme ça. Mais c'était déstabilisant, cette gentillesse des commerçants anglais. Ni trop, ni trop peu. Parce que les commerçants américains, par exemple, c'est trop. C'est trop. Ouais. T'arrives dans le magasin, ils te demandent comment s'est passée ta journée, ils te mesurent, ils séquencent ton génome, les plus généreux sucent ton pouce. Enfin, c'est un vrai truc. Alors qu'en France, moins. En France, t'arrives dans le magasin et de manière assez immédiate, t'as l'impression d'être un cambrioleur. Quoi. Vraiment, tu vois. Et si tu rentres pas chez ta mère, on va te lâcher Ricky, le Rottweiler nazi, hein, qui m'a choué une main d'enfant là dans un coin, tu vois. Non. Ça te passera l'envie d'acheter quelque chose, fils de croûte. Et voilà, et je vous connais. Vous allez me dire, ah, Ernesto, encore une analyse toute fine. C'est quoi? C'est du Bourdieu? C'est du Boutin? Et oui, je sais. C'est une caricature grossière. Mais profite tant que je suis ici, parce que dans The Original Band, je pourrais plus, parce que là-bas, il y a une espèce d'exigence de qualité, tu vois, qu'il n'y a pas vraiment ici. D'ailleurs, ils m'ont parlé de Leïla, ils m'ont dit, son profil nous intéresse vraiment, à condition qu'elle arrête avec ses questions approximatives. Hein, vraiment, des trucs du genre, Daniel Auteuil, vous étiez formidable dans Cyrano de Bergerac, ça là-bas, ça passerait pas, franchement, vraiment. Mais pour revenir au commerce, j'entends de plus en plus de formules inspirées de la culture anglo-saxonne du service, ici, genre en France et en Belgique d'ailleurs. Hein. Genre, de plus en plus, on me sert, et pour un oui, pour un non, on me dit, bonne dégustation. T'es là, merci, c'est gentil, mais je bois un Fanta, tu vois, donc. Peut-être qu'il est millésimé, mais sinon honnêtement, j'ai pas de grosses attentes sur le produit. Franchement, vraiment, c'est de plus en plus de trucs chelous dans les magasins. L'autre jour, j'achète un pantalon à Bruxelles. Je vous promets, ce que j'ai de plus cher, j'arrive à la caisse et la vendeuse, elle me dit tout s'est bien passé dans le magasin. T'es là, non, c'est un scandale. J'ai été attaqué par un cardigan, vraiment horrible. Il y a 2 chaussettes qui ont voulu intervenir, mais bon, voilà. J'ai voyagé partout dans le monde, jamais je me suis fait traiter comme ça par des habits, comprenez. Ça va trop loin, quoi. Même à Paris, j'avais besoin d'une râpe à fromage. Dans des proportions raisonnables. Hein. J'ai pas besoin d'une râpe à fromage. Genre, il me faut une râpe à fromage, frère, une râpe à fromage. T'as un plan râpe à fromage? Non. T'as tout le monde. Juste, j'aime bien râper mon fromage. Et je vois qu'il y a une râpe à fromage dans la vitrine. C'est vrai qu'il y a un marché noir de la râpe à fromage. Oui, râpe à fromage. Et je vois qu'il y a une vitrine d'une vieille quincaillerie, genre vraiment, où ils vendent des potions et tout. Vraiment. Et je paye ma râpe, je sors, et quand je sors, la dame, elle me fait « Et surtout, monsieur, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ». Je dis putain, d'où ils ont Instagram? J'étais déjà étonné de pouvoir payer en euros, quoi. Franchement, ils avaient une caisse enregistreuse, comme à l'époque de Cocorico Cowboy. Vraiment, et le pire, et je me suis abonné à cette quincaillerie. Du coup, de temps en temps, entre 2 photos de potes, je vois passer un selfie d'épluche patate. Vraiment, et je commande trop cute. Ça, c'est 2019, mon pote. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.